Il était beau le coup des banques. Tout repart comme en l'an 40. Ça repart fort pour le CAC 40. Il faut pas prendre le chou de Bruxelles. Barroso tient toutes les ficelles. On a remis le système en selle. On dirait qu'il est bien rodé, qu'il n'est pas prêt de s'éroder, le système pourri des banquiers. La crise du lait peut mal tourner. Les riches continueront de profiter. Les autres continueront de trimer. Le malade alité devra travailler et les accidentés vont écoper de la taxe copée. Le tribut est chaque jour de plus en plus lourd pour engraisser les gens de la cour. Le club des exilés fiscaux fait la fête sur la photo. Il ne paie pas son écho. Les profiteurs de bonus amassent tant et plus. La diversion, c'est le virus. Les écolos et leurs sons de corne ont servi la taxe carbone. Madame la France est bien trop bonne, mais après tout, tant qu'il y a des cons abreuvés de communication pour se ruer aux élections,